Moïse et Darwin. L'homme de la jeunesse comparé à l'homme singe, ou l'enseignement religieux opposé à l'enseignement athée, par le docteur Constantin James. Édition Blood et Barral 1882. Appendice. L'homme antédiluvien. Depuis longtemps déjà on avait rencontré dans différents pays, à la surface comme dans la profondeur du sol, des silex taillés en forme de hache, de tête de marteau ou de pointe de flèche. Ces instruments ou ces armes paraissaient remonter à une époque très ancienne et avoir été fabriqués par la main de l'homme. Seulement, comme les archéologues ignoraient à quels usages ils avaient pu servir, et que même leur origine paraissait fort douteuse, ils leur donnaient place dans les musées, beaucoup moins à titre de précieuses reliques que comme de simples objets de curiosité. Cependant, une particularité importante aurait dû les frapper, c'est que ces silex se trouvaient pour la plupart au voisinage d'ossements humains, ou même confondus avec eux, et cela dans des couches de terrain que la géologie démontre avoir été antérieures au déluge mosaïque. Une autre circonstance encore méritait d'appeler leur attention, c'est que ces ossements étaient mélangés avec d'autres ayant appartenu à des animaux antédiluviens. Ne devenait-il pas, dès lors, très probable que notre race était contemporaine de ces mêmes animaux? Oui, sans doute, toutes les probabilités étaient en faveur d'une semblable opinion, et pourtant elle ne trouvait que méfiance ou dédain. C'est qu'on se rappelait l'histoire de ce fossile qui, sur la foi de Chanchisure, avait été baptisé, en 1720, du nom, d'homme témoin du déluge, que Pierre Campet reconnut, en 1787, n'être rien autre qu'une salamandre. C'est que surtout on se laissait dominer par le grand nom de Cuvier que l'on savait être peu favorable à l'existence de l'homme quaternaire. Aussi, quelle persévérance dans les recherches, quelle ardeur et quelle énergie dans la lutte ne fallut-il pas à boucher de pertes pour faire enfin triompher la vérité? C'est dans ces ruines du vieux monde, disait-il avec enthousiasme, c'est dans ces dépôts devenus ces archives qu'il faut en chercher la tradition. Ces pierres grossières prouvent tout aussi sûrement l'existence de l'homme que le ferait tout un Louvre. Fort de cette conviction, il dressa des ouvriers à fouiller les terrains du diluvium. Déjà il avait eu la bonne fortune de pouvoir présenter à la Société d'émulation d'Abbeville toute une collection de haches fossiles, lorsque, le 25 mars 1865, la date mérite d'être conservée. Un terrassier qui travaillait à la carrière de sable de Moulin Quignon lui apporta une hache de silex, ainsi qu'une dent humaine. Le 28 du même mois, un autre ouvrier lui apporta de même une nouvelle dent, ajoutant qu'il apparaissait en ce moment dans le sable, quelque chose qui ressemblait à un os. Boucher de Perthes se transporta immédiatement sur les lieux, accompagné d'un certain nombre de géologues, et là il retira lui-même du terrain quaternaire une demi-mâchoire humaine, encore entourée de sa gangue terreuse. Le 20 avril suivant, Monsieur de Quatrefages annonçait à l'Institut la découverte de Boucher de Perthes, et présentait à ce corps savant la pièce si concluante envoyée d'Abbeville. On comprend aisément l'émotion profonde qui accueillit cette communication. L'éveil une fois donné, et, par suite, tout scrupule enlevé sur la possibilité du fait, les preuves du même genre, ou même plus significatives encore, se multiplièrent à tel point qu'on en arriva à trouver non plus seulement un os, ou un membre isolé, mais des squelettes tout entiers d'hommes fossiles. Je regrette vivement que le défaut d'espace m'empêche d'en donner la saisissante, mais trop longue énumération. Je ne saurais toutefois passer sous silence l'homme fossile de Menton, dont il a déjà été parlé dans ce livre, car, s'il est l'un des derniers comme date, c'est peut-être le premier comme importance. L'homme fossile de Menton. Sur les confins de la France et de l'Italie, près de la route de la Corniche et non loin de la station hivernale de Menton, existe une série de cavernes creusées dans l'épaisseur de la montagne qui surplombe en ce point la Méditerranée. Déjà ces cavernes avaient été explorées, et on en avait retiré nombre d'objets de la plus haute antiquité, ayant appartenu à l'industrie primitive, tels que haches de silex, pointes de flèches, poinçons en os, etc. Mais aucun ossement humain n'y avait encore été mis à nu. C'est alors qu'un archéologue distingué, Monsieur Rivière, qui était venu à Menton pour raison de santé, se rendit acquéreur, en 1872, de l'une de ces cavernes ou grottes, ayant entrepris des fouilles pour son propre compte. Celles-ci ne tardèrent pas à être couronnées de succès, car, le 26 mars de cette même année, il découvrit les premiers ossements d'un pied appartenant à un squelette humain. Ce squelette, qui ne put être entièrement dégagé qu'après 8 jours d'un travail non interrompu, s'offrit dans un état de parfaite conservation. Il figure aujourd'hui au Muséum de Paris. En voici une description sommaire, couché sur le côté gauche. Son attitude est celle d'un homme que la mort aurait surpris pendant son sommeil. Ainsi la tête, un peu plus élevée que le reste du corps, repose sur la partie latérale gauche de la face, le maxillaire inférieur appuyé sur les dernières phalanges de la main de ce côté, et la colonne vertébrale assez fortement courbée. Les membres supérieurs présentent une flexion prononcée des os de l'avant-bras sur l'humérus, quant aux inférieurs, ils sont légèrement entrecroisés l'un sur l'autre. Enfin tous ces ossements présentent une teinte rougeâtre due à la présence d'une couche d'oxyde de fer déposée par les ans. Telle a été la précieuse découverte à laquelle la grotte de Menton devra désormais sa célébrité. Mais est-on parfaitement sûr que l'individu en question remonte bien réellement à une époque antérieure au déluge? Oui, la certitude à cet égard est complète. Je n'en veux d'autre preuve que les objets trouvés près de lui, et tout autour de lui, dans la même grotte. C'étaient des os de grands ours, de grands chats, de rhinocéros à narines cloisonnées et diènes des cavernes, c'était des lames de couteau en silex taillé, mais non poli, et des épingles en cornes de cerf, c'était, enfin, des espèces de bracelets formés de coquilles du genre Nassa, percés d'un trou, et de dents d'animaux percées de même d'un trou à l'aide d'un poinçon, tous objets qu'on ne rencontre que dans les terrains appartenant à l'époque quaternaire. Ainsi donc nul doute, l'homme antédiluvien a bien réellement existé. C'est là, sans contredit, un fait immense, tant sous le rapport archéologique que comme pièce justificative des récits de la Genèse. Markendanarchive.org, 2022. D'après Gallica BNF.fr, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.